Mes rêves. Le lendemain de mon escapade de 24 heures dans la nature, je me lève très tard. Ni le chant du coq, ni mon réveil matin n'ont eu une influence quelconque sur mon sommeil. Le travail de rêve cette nuit a eu besoin de plus de temps qu'à l'accoutumée pour m'aider à digérer les sensations nouvelles. Mon esprit a pris l'habitude de se réfugier dans l'inconscience réparatrice de l'assoupissement pour assimiler chaque expérience extraordinaire. Je ne ferai pas ici le récit de mes rêves, non par pudeur, mais par observation de l'effet que ceux-ci produisent en général sur mes interlocuteurs. En effet, et bien que je n'en ai jamais compris la raison, mes amis se sont à l'évidence trouvés admirablement ennuyés les rares fois où je leur ai rapporté avec emphase quelques-unes de mes fictions nocturnes pleines de bizarreries. Bien sûr, il y a des songes inracontables, ceux dont le récit ne doit pas dépasser les limites de la sphère privée. Mais la plupart sont d'une drôlerie sans nom. J'aurais adoré que mes amis s'y intéressent quelque peu, qu'ils me fassent à leur tour le récit de leurs rêves et que, pourquoi pas, nous les analysions ensemble. De la psychanalyse de comptoir peut-être hasardeuse, pourquoi pas fantaisiste, mais qui ne m'en plairait pas moins. On n'est pas tenu d'être rigoureux dans tous nos faits et gestes. Il faut parfois savoir lâcher du lest, et je dis cela aussi pour m'en convaincre. Sans compter que je n'ignore pas que la dissection des songes par les professionnels bardés de diplômes n'est pas plus fiable. Elle reste aléatoire, subjective comme il se doit. Et je parle d'expérience, je le savais bien avant d'avoir atteint ma taille d'adulte. Je me souviens que ces gens-là, censés m'aider, voyaient un amusement dans l'interprétation de mes rêves, un jeu de l'esprit venant égayer leur journée, bien qu'ils eussent toujours conservé un masque de sérieux irréprochable, et j'assure ici que le subjonctif imparfait n'est pas de trop. Quelques séances ont suffi pour que l'enfant que j'étais alors ne soit plus dupe, c'est dire leur discrétion. Mais le passé doit rester à sa place. Aujourd'hui, l'idée d'inverser les rôles avec mes amis me séduirait beaucoup. Je serais enchanté que nous nous mettions tour à tour dans la peau de l'analyste. J'ai donc essayé à plusieurs reprises avec Aimé, Lolek et Danka, et je me suis heurté à chaque fois au même mur de lassitude et de gêne. Bâti de pudeur, de honte. Il ne peut pas s'agir d'un ennui pur jus. Il est des sujets bien plus inintéressants qui n'ont pas peur de revenir sur la table, non. Il se cache quelque chose derrière tout ça, quelque chose qui ne dit pas son nom, qui agit comme un frein pour que rien ne soit dit de notre propre vie nocturne. Et si l'on ne fait pas déballage de la nôtre, alors que penser de celle de l'autre? Pourquoi diable nous forcerait-on à rentrer dans son intimité dérangeante? Ou alors, le récit des rêves rendrait-il jaloux ceux qui n'en ont pas? En tout cas, je m'aime trop pour ne pas avoir le désir permanent d'être un autre. Je veux pour toujours m'échapper par les rêves, vivre à travers eux d'autres vies plus passionnantes, moins conformistes, différentes en un mot, et variées. Mes escapades oniriques sont là pour m'aider à supporter la petitesse de ma vie, à continuer à la mener sans culpabilité, puisque de toute façon, j'en expérimente d'autres la nuit.